un peu les filles. Allez, on marche. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. C'est la 22e saison de cette émission Johnny 2 à Z que vous attendez avec impatience tous les mercredis. Oui, bien sûr, mais oui, toi tu l'attends, toi aussi tu l'attends, toi aussi, et encore toi, lui aussi, ah, et lui derrière aussi, il attend. Bienvenue pour cette 520e émission qui sera consacrée aujourd'hui aux sorties du mois de juin. Le 15 juin va sortir Johnny Hallyday au cinéma, le Parc des Princes 1993. Le 16 juillet sortira le coffret de l'intégrale des Parcs des Princes. Elle date du 18, 19 et 20 juin 1993. Et après, nous aurons le 30 juin la sortie des deux lives de la collection Johnny Archive Live. Mais on va en parler tout au long de cette émission. Car donc, j'ai quelques invités qui vont participer tout au long de cette émission. Comme du genre Xavier Perrault, qui est le chef de projet chez Universal Music. Et également le studio Townhouse avec Jean-Étienne Louze et Geoffroy Doctin. Et aussi, j'ai un invité ce soir qui n'est pas encore prêt. Un invité de dernière minute. C'est Jean-François Chenu qui est venu parmi nous, qui est venu dans l'émission Johnny 2 à Z. Salut. Comment vas-tu, Jean-François? Très bien. Bon. Très, très bien. Il est bien, il est bronzé, il est beau. Oh là là là, c'est déjà l'été. Et la chemise aussi qui est belle aussi. Il fait très chaud à Bordeaux, mais comme partout ailleurs. Et puis la Côte Basque, c'est sympa. On en reviendra, hein, on en reviendra, on en reparlera de la Côte Basque. Tu vas très bien, impeccable? Très, très, très bien. Écoute, je rentre de Paris, j'étais, et puis, je vais remonter la semaine prochaine pour être au cinéma, au Gaumont, un des Gaumont qui va diffuser le Parc des Princes 93. Donc, on va vous en avec parler. Quelques amis et comme j'ai eu la chance de voir déjà le film, je me réjouis de le revoir à nouveau. Il faut y aller, c'est vraiment. C'est ça. Ce soir, on va vous pousser à aller voir cette sortie cinéma. On sait très bien que ça sera une séance unique, donc le jeudi 15 juin à 20h. Donc et aussi on va vous dire aussi de préconiser une salle en Dolby Atmos. Absolument. Qu'on va vous parler au cours de cette émission, que Xavier Perrault nous en parlera, et ainsi que le studio Townhouse qui nous parlera aussi. Donc on vous présentera tous les mérites d'aller voir ce concert, ce fabuleux concert, le concert historique, mythique de Johnny Hallyday au Parc des Princes 93. Mythique. Tu restes avec nous, on va écouter tout au long de cette soirée quelques extraits du Parc des Princes 93, c'est-à-dire trois titres du 18 juin, trois titres du 19 et trois titres du 20 juin également. Et il y en aura aussi quatre titres de Toulouse 65 et également quatre titres de Lyon 73. Donc un très beau programme en perspective. Et donc maintenant, je vais appeler Xavier Perrault. Bonjour Xavier Perrault. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Bien, bien, merci. Je suis très heureux de t'accueillir à nouveau dans l'émission Johnny 2 à Z sur RIG. Et tu vas nous parler aujourd'hui des sorties de Johnny Hallyday au mois de juin pour les 80 ans, entre autres. Exactement. Avec, pour commencer, donc, ce qui sortira le 16 juin, l'édition du 30e anniversaire du Parc des Princes 93. Voilà. Je suis d'autant plus content de cette édition-là, de cette sortie-là, que sur les précédentes éditions sur lesquelles j'avais travaillé, que ça soit donc en 2013 ou en 2018, à cette époque-là, hélas, on n'avait pas pu travailler sur les multi, car on les avait pas en fait identifiés dans nos bandes. Elles étaient mal répertoriées. C'est grâce, encore une fois, au travail extrêmement précieux de nos documentalistes, archivistes, qui gèrent tout ça, qu'au fil du temps, en face de passer au tamis des bandes, on finit par isoler certaines bandes et retrouver certains enregistrements qui sont parfois mal répertoriés. Comment vous avez pu trouver en 2018 donc, que ça ne change pas un homme, qui était inédit du coffret des 25 ans? Oui. Sur les précédentes éditions, que ça soit donc 2013 ou 2018, moi j'ai travaillé sur des sorties consoles qu'on avait là pour le coup qui étaient clairement identifiées, des DAT. Et c'est de ces archives-là qu'on était reparti pour 2013 et 2018. En revanche, et ça change tout pour cette édition donc 2023, on a retrouvé donc toutes les multipistes des trois soirs, les trois captations du 18, du 19 et du 20. Donc on a pu refaire intégralement le son de ce concert. Et les trois dates ont été enregistrées, donc c'est des 48 pistes, des multi-48 pistes. On a en plus qu'on appelle, nous, les pistes d'ambiance, c'est-à-dire, en fait, des micros qui captent ce qui se passe donc dans la salle, là, en l'occurrence, dans le stade. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a au total 6 micros d'ambiance. Il y a 2 micros qui sont sur la scène dirigés vers le public. Il y a 2 micros qui sont, on va dire, au cœur du public, au milieu du stade, à peu près. Et il y en a 2 qui sont au fond du stade et plutôt en hauteur, c'est-à-dire en fait, je pense au niveau des gradins, au plus haut du toit du stade Parc des Princes. Alors, ça permet 2 choses en fait. Concernant les pistes des musiciens et de Johnny, donc en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, avec la technologie qu'on a à disposition, on reprend piste par piste et on nettoie tout. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent quand vous enregistrez un concert, si vous prenez la piste du micro de Johnny, vous entendez la voix de Johnny, bien évidemment, mais vous entendez aussi qu'il rentre dans le micro, et donc avec la voix de Johnny, les instruments qui sont autour de lui, forcément. Bon, guitare et tout ça. C'est ce qu'on appelle, c'est un terme qu'on appelle de la repisse, parce que ça revient dans le micro de Johnny. Donc du coup, vous perdez en netteté, en précision. Là, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut nettoyer tout ce qui n'est pas de la voix de Johnny pour n'avoir que la voix de Johnny. Tout à fait. Et ça, c'est vrai pour la voix de Johnny, mais c'est vrai également pour les 2 guitaristes, pour les 3 claviers, pour les 4 chœurs, pour les cuivres, pour la batterie. Donc, on peut gagner en netteté de façon assez extraordinaire. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est un élément également très important, parce que ça, c'est forcément un élément qui resitue le concert, dans ce qu'il était réellement, c'est-à-dire dans le lieu où il s'est joué, c'était d'avoir ces pistes d'ambiance. Donc, en fait, à l'arrivée, on arrive à vraiment, on gagne à la fois en netteté et on gagne également en volume. C'est-à-dire que, avec ces pistes d'ambiance, on est vraiment replongé à l'intérieur du Parc des Princes, à l'intérieur du stade, comme si on était au cœur du public, et je dirais placé idéalement. Oui. Parce qu'il y a des fois, quand on est bien évidemment dans un concert, selon l'endroit où on se trouve, on entend plus ou moins bien tel ou tel élément. Là, on est au cœur du concert et à la meilleure place. Donc c'est pour ça que je suis très content de cette édition-là, très content de pouvoir proposer pour la première fois l'intégralité des 3 soirs, y compris donc le duo qui était resté inédit avec Sylvie Vartan, Je veux te graver dans ma vie, et apporter tout ce que technologiquement parlant on peut apporter à un concert à ce concert-là, qui est un concert, comme tout le monde le sait, assez mythique. Entre tout de suite Johnny Hallyday avec le Parc des Princes, du vendredi 18 juin, et avec, on commence de suite avec le titre d'ouverture, L'Idole des Jeunes. Vous allez voir que Johnny n'est pas encore à l'aise. Écoutez bien. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui se révèle, et comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, épasée dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une fièvre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, et le spectacle terminé, t'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole du jeune, il en est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis. Combien tout seul je suis. Merci. Bienvenue ce soir au Parc des Princes. Ça va être un anniversaire pas comme les autres, je crois. Ça l'a été, ça l'a été. Et donc, vendredi 18 juin, premier soir au Parc des Princes, Jean-François. Quand on est arrivé dans le stade, au parc, souviens-toi, il faisait un temps absolument merveilleux, il faisait chaud. La pelouse, habituellement, où évoluent les joueurs du Paris Saint-Germain, était noire de monde, mais noire de monde. Et tout le monde se demandait, en fait, comment il allait rentrer sur scène, parce que c'était la grande interrogation. Personne ne le savait. Le mystère avait été très bien gardé. Et donc, quand les musiciens ont commencé à jouer, tu te souviens, il y a eu une poursuite qui s'est dirigée vers le fond du stade. Et là, les gens étaient complètement interloqués et ils se demandaient, mais non, il ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Et donc, il l'a fait, tout le monde le sait, c'était l'entrée peut-être la plus simple, mais aussi la plus forte de toutes ces entrées. Efficace. Et là, traversée de la foule avec un cordon de sécurité qui était minimaliste, a été épique, et bon, elle était filmée. Et Johnny garde toujours le sourire, elle garde toujours le self-control. Et un des grands souvenirs que j'ai, c'est qu'en fait, ils sont pas arrivés dans le bon axe, et qu'ils ont été obligés de le porter à bout de bras pour qu'il passe par-dessus les barricades, et qu'il rejoigne l'espace où il montait, il a embrassé Bami, il a embrassé ses musiciens, et c'était épique. Et franchement, les gens étaient sidérés, quoi. Et tu sais que les grandes stars internationales qui ont vu ça, Jagger. Ils l'ont envié. Ils ont dit, tu es fou. Peatina. Oui. On dit, c'est incroyable, quoi. On n'a jamais fait ça. Et alors lui-même a dit, je crois, je l'ai fait une fois, mais je ne vais pas le refaire. C'est ça. Mais les retours ont été tellement positifs, tellement énormes, qu'on lui dit, si, tu vas le refaire. Mais on va s'organiser. C'était pas. Et les deux autres fois, c'était pas mieux. Le troisième soir, ça allait à peu près. Mais alors le deuxième, c'était aussi éclatif. Parlons du premier titre que vous venez d'écouter. Donc, que vous écoutez en exclusivité. Vous n'avez écouté ça nulle part ailleurs, uniquement aussi sur Radio RIG 90.7 dans l'émission Johnny de AZ. On entend Johnny qui n'est pas si bien calé que ça, ou alors soit il est essoufflé de sa traversée, soit. Non, tu sais, d'abord, c'est le premier. C'est le premier soir. Il faut frotter. Il faut ses marques. Surtout qu'il n'a pas beaucoup, il n'a pas beaucoup répété. Alors, Parc des Princes, il a très peu répété. Ça a inquiété beaucoup de gens. Il avait pas mal répété en studio, à Long Courrier, chez lui avec Mamie, mais au Parc des Princes, il n'a pas fait beaucoup d'apparitions. Elles ont été filmées, on les a vues sur les making-of et tout, mais il n'en a pas fait beaucoup. Et je crois que c'est Abriol, ou je sais plus, ou Robert Lee, je sais plus quel, je crois que c'est Abriol qui disait... non, c'est Bernard Schmitt. Mais Bernard Schmitt qui disait, de toute façon, t'inquiète pas, ça sera écrit, ce qu'il faut que tu fasses, on sera sur les prompteurs, oui. Quoi, tu vois. Exactement, c'est vrai, c'était noté sur le prompteur ce qu'il devait faire, aller à gauche ou à droite, rester au milieu. Oui. Et si tu veux, ce qui était en fait le premier soir, on ne s'en est absolument pas rendu compte sur place, parce que quand on est sorti, c'était la joie totale. Ils ont eu beaucoup de problèmes techniques qui ont été réglés pour le samedi et le dimanche, mais le premier soir, il y a eu pas mal de problèmes techniques. Et c'est probablement ça aussi qui fait qu'il est peut-être pas tout à fait marqué tout de suite. Tout à fait. Peut-être qu'il a un problème de retour aussi, qu'il soit légèrement décalé ou qu'il soit incertain. Les musiciens avaient des problèmes de retour et probablement lui aussi. Voilà.

les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit. Belle attention, un jour tu finiras dans la poussière, les bras en croix. Avec insolence, tu défies les hommes, tu prends leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme. À ce petit jeu, tu t'amuses trop, et tu laisses à ta peau de t'aimer bien pour ton monde d'avis. Tu as volé la femme de ma vie, voilà pourquoi du mal je t'envoie dans la poussière, les bras en croix, dans la poussière, les bras en croix. Adieu la vie, tant pis pour toi. Vous écoutez Érigé, l'émission Julie 2 à Z ce soir avec, en exclusivité, des extraits du Parc des Princes 1993 avec les trois soirs, celui 18, 19 et 20 juin. Et ça, qui c'est qui a travaillé, qui a remasterisé cette image? Quel est le studio qui a travaillé ça? Alors, nous, on travaille donc pour la partie son, on travaille toujours avec les studios Tonehouse, donc Jean-Étienne Louz et Geoffroy Doptin. Pour la partie image, c'est une société qui s'appelle Cinequanon. Notre diffuseur, c'est Pathé, sur ce concert, oui, qui travaille avec Pathé, qui, en fait, c'est une société dont le métier est de, justement, de préparer tout ce qui concerne les diffusions cinéma pour un certain nombre de diffuseurs en salle. Donc, comme on livre un master pour un CD, pour un vinyle, eh ben, il faut livrer également, entre guillemets, un master qu'on appelle un DCP pour le cinéma, pour qu'il puisse être ensuite projeté dans toutes les salles de France et de Navarre sans qu'il y ait de problèmes techniques. Voilà. Donc, c'est leur métier. Donc, eux, ils font ça. Voilà, c'est leur spécialité. Donc, eux, ils ont retravaillé vraiment. Ils ont repris image par image et ils ont amélioré tout ce qui pouvait l'être, jusqu'à un certain point, limite technologique, qui est liée au fait que ce sont des images qui ont 30 ans d'existence, oui, et qui donc ont été filmées en bêta-num à l'époque. Voilà, à un moment donné, hélas, on peut pas améliorer plus qu'ils ne l'ont fait la qualité de l'image de ce concert. Mais franchement, je le redis parce que je le pense sincèrement, si les gens peuvent s'offrir cette place de cinéma, je crois qu'il y a au total 316 salles en France, Belgique, Suisse, il y en a une, je crois, où il y en a quelques-unes aussi au Luxembourg. Il y a 316 salles qui vont diffuser ce concert. Ça n'aura lieu qu'une seule fois. Et puis je pense qu'on va, il y en a beaucoup qui vont vouloir revivre ce concert, justement, ce concert des Parcs des Princes, qui est un des préférés. Il est un des préférés des fans de Johnny. Exactement. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et ça n'aura lieu qu'une fois, en plus. C'est-à-dire le coffret, les gens le trouveront s'ils veulent se l'offrir. Mais cette diffusion cinéma, elle n'aura lieu qu'une seule fois, quoi. Et la version qu'on aura du film, du concert en DVD, lui, il sera en 16/9 ou pas, ou sera en 4 tiers? Non, il sera en 16/9. C'est la version restaurée que les gens... C'est la version restaurée qu'on va avoir, oui. Voilà, exactement, avec le mix, le nouveau mix. Donc, ils auront, bien évidemment... une qualité de son, d'image qui sera optimum. Mais après, c'est l'installation technique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'au cinéma, on est dans une configuration, on est dans une salle avec un écran, qui est pas celui de notre télé, même si aujourd'hui les écrans de télé se sont beaucoup, énormément augmentés. Ouais. Mais et même si les gens ont aujourd'hui la possibilité d'avoir un son d'une qualité optimum, ça reste. Je vous dis, il y a des salles de cinéma. Je sais qu'il y a des salles Pathé où on arrive jusqu'à 40, 50, voire 80 enceintes. Donc c'est plus la même expérience, c'est une autre expérience. Et elle n'aura lieu qu'une seule fois, le 15 juin à 20h. Je ne cherche pas à vendre cette place, je dis simplement aux gens, à vendre ce concert, je dis simplement aux gens, voilà, ça n'aura lieu qu'une fois. Donc si vous voulez en profiter et tester ça, je pense que vous ne serez pas déçus. Une expérience unique. Ouais, exact. Magnifique. Exact. Et donc exact. Même aussi donc je reviens à la diffusion au cinéma. Donc la bande son, le son Dolby Atmos, c'est le studio Townhouse, c'est Geoffrey et Jean-Étienne qui l'ont confectionné. Alors c'est tout le travail de nettoyage des 48 pistes, etc. Tout ce travail-là de fond qui est super important, qui est très long, qui est très fastidieux, c'est effectivement Townhouse, Jean-Étienne Louze et Geoffroy Doptin qui l'ont fait. Donc c'est eux qui fournissent la version, donc il y aura la version audio, CD, c'est une version stéréo, bien évidemment. Sur la version DVD, ça sera une version stéréo 5.1 également disponible. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour le Dolby Atmos, donc c'est une technologie très précise qui a été donc brevetée par la société Dolby, en fait. Et la société Dolby a certifié un certain nombre de studios en France pour pouvoir faire ce mix. C'est-à-dire qu'ils ont acquis le matériel nécessaire pour pouvoir faire ces mix en Dolby Atmos. Donc, c'est pas n'importe quel studio. En l'occurrence, celui qui a fait ce mix-là s'appelle Piste Rouge. C'est un studio qui existe depuis maintenant pas mal d'années, depuis je pense les années 2000 environ, qui est spécialisé ce qu'on appelle en post-production, c'est-à-dire tout ce qui concerne la post-production de films, de séries télé, de bandes originales de films, de musique de films, donc qui est spécialisé là-dedans, qui fait que du son pour le cinéma et pour la télé. D'accord. Donc c'est eux qu'on est allé voir. Et c'est eux qui nous ont fait ce mix-là. Eux, ils ont donc la certification Dolby Atmos et qu'on ait quelque chose qui soit de première qualité. Quoi. Bien sûr. Dernier extrait du vendredi 18 juin. Vous allez me dire que vous connaissez déjà ce titre, mais pas cette version-là. Version remixée par le studio Townhouse. Ça ne change pas un homme. Quand ils étaient trop beaux, je n'ai pas pris les clés, je n'ai rien refermé. Mais je les ai usés, ces chemins buissonniers. Au mûrier de béton, le nez dans le goudron. Oui, j'ai grandi dans la rue, avec au bout des poings. Des tessons de refus, plantés dans mon destin. Pour n'avoir rien voulu, je n'ai rien retenu. Pour n'avoir rien touché, je n'ai rien refermé. Ça ne change pas un homme de sa vie. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Je n'ai pas cru l'ami, ni l'amour, ni les filles. Je n'ai pas pris le temps, je m'attendais devant. Et je les ai brûlés, mes châteaux de papier, avec de vrais serpents, avec de faux semblants. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme ça s'oublie. Ça ne change pas un homme ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Pour n'avoir jamais cru, je n'ai jamais vécu. Pour n'avoir jamais su, mon père, je te salue. ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Ça ne meurt pas un homme. Un homme, ça se vit. Ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Soirée que vous nous assistez ce soir pour écouter donc en avant-première le Parc des Princes, nouveau mix du Parc des Princes 93, et un peu plus tard au cours de cette soirée, vous aurez l'honneur et le privilège d'écouter quelques extraits des deux archives live qui vont sortir sur Toulouse 1965 et de Lyon 73. Mais nous sommes toujours au Parc des Princes, on vient d'achever les trois titres du vendredi 18 juin et on va attaquer dans quelques secondes le 19 juin, le fameux samedi. Oui, sur le 18 juin, ce qui est vraiment intéressant avec cette proposition, c'est que il y a quatre titres qu'il a chanté le 18, qu'il n'a pas rechanté après. Et donc là, on les a dans la chronologie du spectacle, parce que ces titres sont sortis après un peu à l'unité, ça change pas un homme, Cours plus vite Charlie. Entre les mains était dans la première proposition CD. Il y avait Cours plus vite Charlie aussi, ça change pas un homme, et ma gueule qui était aussi dans le premier. Et donc, c'est probablement le concert le plus long de sa carrière, le 18 juin. Parce que ça a duré plus de 3 heures et quart, je crois. Et il y a plein de gens qui, quand ils sont sortis du parc, ont vu des bouches de métro fermées, ont dû rentrer à pied chez eux. Donc c'est un concert un peu historique quand même. Ça l'était. En longueur et tout, et c'est vraiment formidable de l'avoir dans son intégralité, avec tous les instrumentaux, avec toutes les personnes qui étaient là ce soir-là. Alors, il y a en fait Sylvie et David qui ont fait les trois soirs, Paul Personne était là les trois soirs, en revanche, Eddie a fait deux soirs, Sardou a fait deux soirs, et puis Joe Greco est arrivé le samedi et était là le dimanche. Mais le 18 juin, on avait donc David, on avait Sylvie, on avait Eda. Et là, vous allez entendre, en fait, le fameux duo avec Sylvie, Je veux te graver dans ma vie, bah, vous l'aurez en trois versions, puisque celle du 18, celle du 19, celle du 20. Oui, vous l'écouterez pas ce soir. Quand même, tes auditeurs sont très très gâtés, parce que personne n'a encore pu entendre ces extraits. Exactement. C'est vraiment les premiers. Xavier t'a fait un super cadeau avec ce... Et je le remercie beaucoup. Avec cette possibilité de diffuser à la fois ces extraits du parc et puis les archives de Toulouse et de Lyon un peu plus tard. Avoir l'exclusivité dans l'émission de Johnny Hazet qui existe depuis 22 ans. C'est une exclusivité. Ouais. Et j'en suis très heureux. Et je suis heureux de t'accueillir ce soir aussi dans cette émission. On va retrouver Xavier qui va nous parler un peu, qui va nous parler après Jean, donc du projet. Qu'est-ce qui a amené donc Xavier et Universal à sortir donc cette fameuse intégrale? Et donc ce travail sur le Parc des Princes, que je parle même au point de vue numérisation des bandes et tout ça, des bandes originales, ça a mis combien de temps? Depuis combien de temps vous avez pensé à faire ce projet-là? Et qui en a eu l'idée aussi? En fait, ce qui a déclenché ce projet-là, c'est qu'on ait retrouvé des multis.

tu l'as aidé, bien sûr, avec Oh Carole. Nous sommes évidemment au Parc des Princes en 1993, le 19 juin, Jean-François. 19 juin, ça a été, je pense, le meilleur des trois concerts. Enfin, mes souvenirs, et pour moi, c'est le meilleur des trois concerts. D'abord, il y a tous les invités qui sont là. T'as Heidi et Sardou qui sont là le même soir, c'était la seule fois. Mm-hmm. Sylvie, David, etc. Donc, c'était vraiment, c'était réglé par rapport à la veille. Et puis, il y avait Joey Greco. qui n'était pas là le vendredi. Et c'est vrai que quand tu vois Joey Gréco arriver sur scène, bah, ça t'évoque tellement de souvenirs et tellement de grands moments. Et cette version de Carole, elle est quand même extraordinaire. Elle fait la joie de Philippe Manœuvre chaque fois qu'il faut relire sa critique de rock et folk de l'époque. C'était vraiment la soirée, je trouve, où il y avait le plus d'ambiance. Et c'était une fête incroyable, notamment tout le final où ils sont tous sur scène et ils descendent cette scène qui est très longue en chantant Happy Birthday Rock'n'Roll. C'était absolument grandiose. Et Joey Gréco, on pouvait un petit peu s'en douter peut-être parce qu'il s'était retrouvé quelques mois auparavant sur le plateau de Jean-Pierre Foucault, oui, dans Sacrée Soirée. Tout à fait. Donc voilà, l'invitation avait dû être lancée à ce moment-là. Mais quelle belle idée de l'avoir fait venir. Je pense qu'il a fallu que donc Jean-Pierre Foucault à l'époque fasse revenir Joey Gréco pour que Johnny se dise « Tu viens avec moi, la prochaine fois tu viens au Parc des Princes avec moi ». C'est possible. Il a fallu vraiment, je pense. Pas demander à Jean-Pierre Foucault. Oui. Bon, je le contacterai dès demain alors, ça en fait comme ça. On va retrouver Xavier Perrault qui va nous parler encore de ce fameux projet donc de l'intégrale du Parc des Princes 93. Bernard Smith a toujours eu un rôle important depuis 87, depuis qu'il est dans l'équipe. Il fait chanter aussi à Johnny des chansons que Johnny ne voulait plus chanter, comme Dadou Ronron, comme je ne sais plus quoi, quel autre titre. Il a eu cette faculté-là. Exactement. Et typiquement, effectivement, Bernard Schmitt, qui est responsable donc, de la mise en scène, mais qui aussi prépare les setlists et les soumet à Johnny, il va insister auprès de Johnny pour que dans cet anniversaire de ses 50 ans, donc il repasse en revue une grande partie de sa carrière, il aille chercher ses titres des années 60, même si ce que je peux comprendre, un artiste, à l'idée premier, compte tenu de tout ce qu'il a pu enregistrer, de tout ce qu'il a pu faire au fil des décennies, voilà, un artiste généralement est tourné toujours vers l'avenir, vers le prochain album, vers le prochain concert, vers la prochaine tournée. C'est son ADN, j'ai envie de dire. Mmh. C'est naturellement le moteur de sa carrière, c'est la nouveauté. Mais là, en l'occurrence, il fallait réussir à convaincre Johnny d'aller chercher, d'accepter de se replonger dans les années 60. Et c'est vrai que pour Hallyday, c'était un petit peu... Voilà, est-ce qu'aujourd'hui encore, je peux chanter ces chansons-là sans être ridicule, quoi ? Est-ce que ça reste quelque chose que je peux faire 30 ans plus tard ? Mmh. Et c'est pas évident pour un artiste. Je pense que c'est se tourner comme ça sur son passé, c'est pas évident. Mais encore une fois, c'est la confiance... C'est ça. De cette équipe autour de Camus, de Jean-Claude Camus, qui permet de réaliser ça et que Johnny accepte. De la même façon que dans l'entrée du stade, en fait. Quand on y réfléchit, c'est un truc, ça n'aurait jamais dû avoir lieu comme ça. Je veux dire, ça aurait pu très très mal se terminer. Bien sûr. Et en même temps, aujourd'hui, c'est sans doute un des éléments, en dehors du concert lui-même, un des éléments les plus marquants de ce concert, cette entrée sur scène. Même Johnny, au départ, lui, il n'y croyait pas. C'était pas assez spectaculaire à ses yeux. Et en fait, elle n'est pas spectaculaire, elle est simplement mythique, cette entrée de concert. Exactement. Et puis même, ils avaient dit que le premier soir, Johnny avait dit « Non, on le fait pas pour le lendemain ». Et que par la suite, il y a Belmondo qui est arrivé et qui lui a dit bah, « C'est génial, toc toc, badaboum, c'est génial, c'est entré. » Et là, sur le coup, il a dit « Bon, d'accord, on l'a refait. » Alain Delon est arrivé aussi. C'est-à-dire que, c'est médiatiquement parlant, ça a été repris en dehors, bien évidemment, de ce qu'on pu lui... du retour qu'il a pu avoir immédiatement après le concert, mais c'est aussi médiatiquement parlant, voilà, il a bien vu tout de suite ce que ça avait généré, comme ce que ça avait suscité de la part des médias. Voilà, là où il avait un doute, bah, le doute était levé, il était conforté dans le fait de le refaire. Voilà, après, avec tout ce que ça représente en même temps, je veux dire, le contexte était d'un soir à l'autre le même, et donc il fallait s'assurer que il n'y a pas d'incident, et Dieu merci, ça s'est très bien passé, mais ça aurait pu être dramatique, hein, ça aurait pu être... Oui, tout à fait. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ce... Enfin, voilà, on ne s'imagine pas, mais ce qu'ont vécu les gens qui ont traversé le stade avec Johnny, je pense que pour eux, c'est un souvenir impérissable, et parce que ça a été quand même très, très, très chaud. Nouvel extrait, nouvel medley de ce concert du Parc des Princes 93 en exclusivité sur le tableau RIG. Le medley R&B. tout petit enfant. Il leur faudra combien pour qu'ils deviennent allemands? Combien de fois à terre il lui faudra tomber sans pleurer, apprendre à se relever? Il deviendra un homme petit à petit. Et apprenons les dures leçons de la vie. Et tout quand il vous arrive. Jusqu'à minuit, et sûrement pas toute ma vie. Je t'attendrai jusqu'à minuit pour m'attirer, mais après t'en fuis. Et les secondes de la ronde, quand j'attends, moi j'entends, c'est long. Jusqu'à minuit, oh oui, jusqu'à minuit. J'ai tout détruit, oui, comme un plaisir. Et ça fait mal, moi je peux vous le dire. Mal, mal, c'est un amour qui me fait mettre mal. Mal, mal, on fait toujours, mais ça fait mettre mal. Mal, mal, comme une bête, j'en souffre, j'ai mal. Mal. C'est un amour qui me fait pas trop mal. Et celui qui aime, et s'il me comprenne, que l'amour tortue, c'est ce que j'endure. Je suis seul. Désespéré. Quand je les vois par la main, tous les amoureux, moi je sais bien, cet amour-là, je ne le connaîtrai pas. Il ne sera jamais pour moi. Oh non. La vie, c'est bien joli. Moi j'ai peur d'être un jour trahi. Et ton amour, oh tu peux me jurer, je sais bien qu'un jour tu me feras crier. Je suis seul. Je suis seul. Ah, vous vouliez l'intégrale. Là, vous avez l'intégralité du medley complet. Tu m'as dit déjà de trouver les bandes. Et après, le cheminement, le travail, combien de temps on met pour jusqu'à la sortie? Combien de temps on met on passe sur ce projet-là? On a commencé à travailler sur ce projet en début d'année. Après, il y a donc... En fait, le travail du studio donc, est très important, oui. De Tone House, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les bandes. Donc, ils numérisent toutes ces bandes, ils font un inventaire des bandes et ils comparent avec ce qui a été édité, que ce soit en 93, en 2018 ou en 2013. Et donc, une fois qu'ils ont fait cet inventaire, une fois qu'on sait tout ce qu'on a la certitude d'avoir l'intégralité des trois soirs, alors là, les choses sont écrites, j'ai envie de dire. Les choses s'imposent à nous, c'est-à-dire qu'il faut proposer au public pour la première fois l'intégralité des trois soirs. Donc après, on prend contact avec le management de Sylvie Vartan, on fait valider le duo avec Johnny qui est resté inédit. Mmh. Ensuite, on commence à travailler sur, sur un petit texte qui va accompagner avec, on travaille avec Jean-François Brieux qui écrit nos notes et on travaille sur la construction du coffret. Donc, c'est pas à temps plein qu'on travaille sur ce concert-là, mais on va dire qu'entre le moment où on avance, on part sur ce projet et son aboutissement, donc, en mois de juin, c'est oui en début d'année à peu près quoi, en janvier, février, mais j'ai plus la date précise en tête, mais c'est en début d'année. J'avais la certitude de faire quelque chose autour de ce concert à partir du moment où la documentaliste, et mon équipe de documentation et d'archives m'a dit on a les bandes multi du Parc des Princes. Ça a dû être une joie de retrouver ça. Ah bah oui, oui, parce que là tout de suite, génial quoi, génial. Et puis encore une fois, enfin. C'est de pouvoir proposer au public, aux gens, le meilleur de ce que Johnny a pu faire et dans les meilleures conditions, enfin, de pouvoir proposer au public de retrouver ce concert en intégralité et avec une qualité artistique, technique qui est vraiment, qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la meilleure version qu'ils n'auront jamais du Parc des Princes 93. Mais dis-moi, le titre inédit qu'on va retrouver donc le duo de Johnny et de Sylvie Vartan, est-ce que tu en es content? Oui, bah bien sûr, oui, non, bah oui, parce que ça permet, non mais ça permet d'offrir l'intégralité du concert. C'est oui. Pour ça que c'est important. Oui, parce que vous avez rajouté voilà. En même temps aussi les instrumentaux qu'il y avait entre les parties, entre les différents. Quand Johnny change de costume et tout ça, il y a ces fameux playback. Oui, tout à fait. Donc oui, effectivement. Dans certaines, quand Johnny sort de scène, pour des changements de costume, il y a des morceaux qui sont des morceaux diffusés, qui ne sont pas joués pour certains sur scène, mais qui sont simplement diffusés. Et comme la promesse était d'offrir l'intégralité du show au public, on les a laissés tels quels. Donc, ils sont parfois un petit peu longs, mais en même temps, voilà, on a respecté notre promesse qui est d'offrir l'intégralité du spectacle au public. Public. On retrouve tout de suite le duo Johnny Hallyday et Eddie Mitchell avec Happy Birthday Rock'n'Roll. Comme on disait, là vous allez voir la version intégrale qui dure presque 8 minutes. Avec Paul Persson. Et Paul Persson à la guitare, mais sûr, en guest une fois de plus. Et vraiment là vous allez voir l'intégralité de ce morceau. C'est dur de tourner. Et le temps say happy birthday, rock and roll. Hello, Quando, Quando, Quando, but I see a little man in my door. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. C'est vraiment une version formidable de ce titre d'Eddie Mitchell. Et moi, j'avais été surpris le 18 que ce titre figure dans le track listing du concert. Parce que finalement, ça s'y prêtait très bien. Et puis, on se dit, non, mais c'est un titre d'Eddie Mitchell. Et donc, c'était étonnant. Mais franchement, il prenait un pied à chanter ça. Ah oui. Incroyable. Et puis, ce samedi, là, ce fameux samedi, alors là, on ne les entend pas. Mais ils étaient tous, tout le monde, tous les invités étaient là autour d'eux et descendaient et chantaient, en tout cas le titre, je pense qu'ils n'ont pas été captés, mais c'est vraiment un grand temps fort de ces trois soirs. Tout à fait. Donc on retrouvait David, Sylvie, Michel Sardou, Paul Person évidemment. Ah, Paul Person, il jouait. Il jouait bien. et les deux, là, ils s'en donnent à cœur joie, c'est un vrai bonheur. Les deux duos qu'ils ont pu faire, donc Happy Birthday et puis Excuse-moi Partenaire, vraiment. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ce Happy Birthday Rock'n'Roll ne soit pas sur le DVD. Ça, c'est des raisons mystérieuses. Il y a pas une question de coupe d'Eddie Mitchell Oui, ça fait quand même. paraît un peu bizarre comme explication, mais effectivement, il y avait un peu de vent. Oui. Et la houppette. La houppette d'Eddie Mitchell. Et qu'ils n'ont pas voulu lui faire. Enfin, bon. Ils n'ont pas de mal. Avec le temps. Hein qui sait? Ben oui. Hein. Ce serait un bel hommage, ça ouais. aussi, d'avoir cette vidéo. C'est vraiment dommage ouais. qu'on n'ait pas. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Qui sait? Mais Xavier me dit qu'en principe, il ne devrait pas y avoir autre chose après ces 30 ans-là. On devrait arrêter un peu. Voilà. Il leur a, entre guillemets, rincé. Voilà, je pense aussi. Et la version qu'il offre là au public, t'as tout. Quoi. Donc, il ne peut pas faire plus. Exactement. Sauf à faire un Blu-ray en DVD ou des choses comme ça. Mais, l'avenir nous le dira. Voilà. En principe, ça devrait s'arrêter là. En principe. On va retourner voir, écoute Xavier qui veut nous parler un peu aussi. C'est sur le mixage donc du Parc des Princes. Et après, on écoutera après un medley parce que là, on a écouté le dernier morceau du samedi soir, du samedi 19 juin 93. On écoutera enfin Jean-Étienne et Geoffroy du studio Turnhouse. Le mixage du Parc des Princes, en gros, est l'équivalent du mixage qu'on a eu pour le Bercy, pour le coffret Bercy. Ben oui, c'est un peu le même principe à chaque fois, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as les multipistes, voilà. que tu peux repartir des multipistes, tout le travail, on nettoie piste par piste, ça a l'air de rien, mais c'est un boulot de fourmi que nous, bien évidemment, on mesure pas, mais qui demande des heures et des heures, des jours en fait, parce que c'est comme ça pour chaque piste. Et quand sur la partie, donc c'est un 48 pistes au départ, sur la diffusion cinéma, comme il y a des éléments qui sont rajoutés, je pense qu'ils arrivent à 70 pistes au total. Donc c'est un boulot de dingue, quoi. C'est vraiment un boulot de dingue. Rien que le mix Dolby, le fait de passer donc toute la préparation piste par piste est faite par Jean-Étienne et Geoffroy Deptin, donc Studio Turnhouse. Donc ça leur prend plusieurs semaines, ça leur prend environ, je pense, un bon mois. Et ensuite, le simple fait de passer, de le mixer en Dolby Atmos, c'est une semaine de travail. Ouais. Donc c'est encore une fois, j'insiste, mais allez voir. Enfin, si vous avez la possibilité, et il y a 316 salles de cinéma qui vont diffuser ce concert en France et en Belgique et en Suisse et au Luxembourg, allez voir. Il y a certainement un cinéma pas très loin de chez vous, voire à proximité. Renseignez-vous. Si en plus il a la technologie Dolby Atmos, il faut pas hésiter, quoi. Il faut se l'offrir. Parce que ça n'aura lieu qu'une fois. Allez-y. J'ai mon billet, on y va. Non, mais parce que ça n'aura lieu qu'une fois. Oui, tout à fait. Que je dis ça. Et que, voilà. Comme on disait, une expérience unique. Hein. Donc, il faut la vivre. On ira. Et puis aussi, j'espère que vous aussi, vous irez. À présent, nous sommes le dimanche 20 juin 1993. On retrouve le premier medley de ce fameux Parc des Princes avec pas cette chanson, Si j'étais un charpentier. Enfin, vous le connaissez, mais vous ne connaissez pas la version remix. Pas cette chanson. Non, pas cette chanson. Cette terre-là, il me rappelle autrefois. Oublie-le s'il le faut. Ne touche pas à ce piano. Oh non, ne le joue pas. Dans mon cœur, on y tient. Je m'ennuie et je pense à toi. Quand revient la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Vous écoutez Johnny de AZ dans l'émission sur la radio RIG 90.7 sur Internet et sur... je m'en mélange les pédales. Est-ce que vous vous rappelez de mon groupe de l'époque ? On va retrouver tout de suite Jean-Étienne Louze et Geoffroy Dobtin qui sont les ingénieurs du son du studio Tone House. Et je leur ai posé la question, y a-t-il une différence entre le mixage des Bercy et le mixage du Parc des Princes ? Donc la différence avec les Bercy, c'est que les Bercy, on avait par Bercy 3-4 captations différentes et qu'on avait fait entre guillemets un montage de faire un truc le mieux possible quoi. Là sur le Parc des Princes, il y a uniquement eu 3 captations et on sort les 3 captations telles qu'elles sont sans découpe. Là pour le coup, on a pris les bandes originales et on a laissé dérouler le concert quoi. Oui. Avec toutes les longueurs qu'il peut y avoir d'ailleurs parce que des endroits où ça met longtemps à démarrer, Johnny met du temps à venir, genre de choses, quoi. On a laissé tout ça. S'il peut y avoir 45 secondes de public, vous avez laissé les 45 secondes, quoi. Ouais, c'était l'idée. Bah, comme a priori, c'était aussi ce que veulent, ce que veulent les fans, entre guillemets, d'après ce qu'on a compris. Du coup, c'est ce qu'on a fait, finalement. Bah ouais. Comme voilà les instrumentaux qu'il a pu avoir en bande. On a même mis les instrumentaux qui sont en fait du son qu'ils projettent dans le concert. Quoi. Voilà. Oui, cette fois-ci, comme disait Xavier, vous avez su recaler, vous avez pu utiliser les pistes publiques, on va dire, parce qu'elles étaient désynchronisées à l'époque, en 93, quand il y avait... Ah oui, alors ça, c'était sur l'Atmos, surtout, parce que finalement, dans la version stéréo, les publics, on les met, mais on les met... Enfin, il n'y a pas l'immersion qu'il y a en Atmos, en fait. Parce que l'Atmos, tu connais le principe de l'Atmos, oui. J'imagine. Du coup, pour la version Atmos, comme il y avait 6 pistes, 6 micros dans le public... On a beaucoup joué avec, mais effectivement, il y avait un problème de désynchronisation, ce qui fait que, eux, sur la version d'époque, la version même 5.1 qu'ils avaient fait, à l'époque, il n'y a quasiment pas de public, en fait. Mm-hmm. C'est du faux public. Sachant que sur des versions, que ce soit stéréo ou même sur le 5.1, il y a beaucoup de micros, les roofs, tout ça, et en fait, de tous les mettre, je sais pas si ça a vraiment un sens. Ça brouille le signal. Alors qu'en Atmos, comme il y a plus des enceintes partout, on met les ambiances à fond. Et heureusement qu'on les avait, parce que c'est ce qui donne quand même beaucoup de sens à l'Atmos. Hein. Quand tu as le début du concert, tu verras quand tu vas y aller, quand il sort du couloir et qu'il arrive dans le stade, c'est impressionnant, quoi. Tu es vraiment dans le Parc des Princes, quoi. C'est une immersion complète, totale. Ouais. Ça te met les poils, c'est vraiment, c'est saisissant. Ouais. Vu qu'il y a 6 micros, en fait, il y a 2 micros au toit, 2 micros qui sont à peu près au milieu, puis 2 micros au fond. Mmh. Ce qui fait que quand tu les positionnes après dans la pièce, avec l'Atmos, t'as vraiment la sensation d'être au milieu. On recrée la spatialisation du stade, quoi, avec les micros d'ambiance. Et effectivement, il était désynchronisé. Donc, on aura passé du temps à synchroniser ça. Ouais, c'est un peu dans ça. À l'époque, ils n'ont pas pu techniquement s'en occuper, donc ils ont lâché l'affaire. Et pour le 5.1, ils ont mis de la réverb, en fait. Ils ont mis une fausse réverb. Bah, à la fois, je les comprends, ils n'avaient pas vraiment le choix. Quoi. Vas-y. Ce qui a été intéressant du point de vue technique, si tu veux, par rapport à un mix en stéréo, c'est que quand tu mixes en stéréo, et c'est un autre problème aussi en mono, si tu veux, il y a un truc fréquentiel, quoi. C'est-à-dire que tu dois tout faire rentrer entre 20 kilos et entre 20 Hz et 20 kilos. Mm-hmm. Et donc, tu dois faire des équals qui, parfois, tu vas couper le bas d'une guitare, tu dois tout faire rentrer dans cet espace-là. Et si on part du mono, c'est pire, et la stéréo permet d'aérer un peu tout ça, de toute façon. Mais là, le concept de l'Atmos, c'est que tu peux tellement écarter les choses et les mettre dans un espace vraiment grand, que tu as moins besoin de d'étriquer les choses. Donc en fait, le son est vraiment énorme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Oui, t'as 30 enceintes, 40 enceintes, donc du coup, en stéréo, t'en as que 2. Donc effectivement, tu peux tout faire rentrer dans 2. Quoi. Voilà. Alors, à 40, t'as de quoi faire. Tu peux moins tailler, t'as moins besoin de tailler les instruments, donc tu retrouves plus, je dis ça comme ça, mais quand t'as un gros Marshall et que la guitare elle est énorme et qu'en général, t'en coupes une bonne partie pour pouvoir faire rentrer ça et que ce soit équilibré avec le reste, là t'as besoin de moins couper, donc c'est plus gros, quoi. T'as plus le gros son. En fait, vu que c'est des bandes multipistes, après on fait ce qu'on veut. Il y a à peu près 60 pistes dans le concert, 60aine de pistes. L'Atmos, tu peux tout faire. Ça, l'idée de l'Atmos, que même par rapport au studio, c'est qu'il faut pas que le truc se transforme en attraction non plus, quoi. Tu peux tout faire bouger, tu peux tout envoyer partout. Oui. En studio, j'ai envie de dire que c'est quelque chose que tu peux plus t'amuser avec ça, effectivement, à faire passer un clavier de devant, derrière, de faire tourner des choses. Là, l'idée, c'était pas ça. Là, l'idée, c'était vraiment de faire ce travail dont je viens de parler, mais surtout de recréer l'ambiance du stade, et c'est possible qu'avec l'Atmos. En tout cas, d'être aussi près, c'est possible avec l'Atmos. Yes. Et donc voilà, on a fait quelques trucs avec les claviers, où tout ce qui était un petit peu aérien, on les a placés un petit peu plus au plafond. Donc ça permet une immersion un peu plus grande, quoi. Et l'idée, c'était pas non plus de transformer le truc en attraction, quoi. Il fallait juste qu'on soit vraiment dans l'immersion, et c'est ce que ça a apporté. La suite de l'interview avec Tone House, avec Geoffrey et avec Jean-Étienne, juste après Mirador, qu'on retrouve le père et le fils Johnny et David, le dimanche 20 juin au Parc des Princes en 1993. C'est la nuit dans le quartier des fous. Les matons ont tiré les verrous sur des tueurs et voleurs de cachou, des flambeurs, des tatoués, des loulous. Et la liberté, on l'a payé quand on enterre nos corps sous le mirador. Sous le mirador. I touched you gently in your sleep last night and held you to me in the blue dawn light. I never knew there was a place this deep or that you would reach that place in me. If you trust in my soul, I can show you my heart. Give all you are to me, to heaven to hold. Trust in my soul, I'll show you my heart. Give all you are to me, to heaven to hold. Sous le mirador. Trust in your soul, I'll show you my heart. Give all you are to me, to heaven to hold. David, David. Et là, après, on sait que David joue de la batterie après sur le titre Hommage aux Sarah, oui, avec son père. Avec une version qui est magnifique, hein, la version d'Hommage aux Sarah du Parc des Princes en live. Je trouve que c'est une des plus réussies de toutes les versions qu'il a faites. Et donc ce titre-là, il va sortir sur un des trois singles. Parce que tu as un single par soirée qui vont être proposés. Et sur le 20, donc il y a Mirador et puis le duo avec Sylvie, Je veux te graver dans ma vie. En fait, c'était vachement sympa, évidemment, de voir sa famille autour de lui pour cette soirée, David. Mais le souvenir incroyable qu'on a, et en termes d'émotion, ça a été l'arrivée de Sylvie. L'arrivée de Sylvie dans cette robe rouge somptueuse, dans cet ascenseur, et quand elle arrive sur scène, qu'ils sont face à face, ses yeux dans les yeux, qu'elle interprète a cappella, on entend les mouches voler dans le Parc des Princes. Un silence de cathédrale. Absolument incroyable. Il y avait une émotion, et ça a été vraiment un des temps forts de ces trois soirs. Et donc, on le revivra ça aussi le 15 juin au cinéma. Voilà. En Dolby Atmos. Et de préférence, en Dolby Atmos. Et justement, nous avons Jean-Étienne et Geoffrey qui vont encore nous parler de cette fameuse diffusion au cinéma pour l'unique séance unique. Attention, c'est pas important non plus, le concert dure 3 heures. Oui. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que l'immersion t'en prend quand même plein les feuilles de tous les côtés. Ouais. Donc c'est intéressant qu'il soit fort, c'est aussi intéressant que les gens restent jusqu'au bout. Oui. Il y a un morceau particulier ? Il y a un morceau qui vous a marqué justement ? Non. Les balades, ouais. C'est intéressant parce que dans les balades, t'es vraiment dans le truc t'entends vraiment les réactions du public. C'est vrai que les balades, si on peut dire que c'est ce qui marche le mieux. Mais c'est plus clair d'un côté, c'est moins fouillis, c'est plus clair. C'est moins fouillis, là, t'entends vraiment le découpage de tout. C'est beau, quoi. Enfin, les balades, elles prennent une ampleur incroyable, quoi. Franchement, c'est. Puis après, il y a Edjo qui est quand même bien punchy, qui est bien aussi. Ouais. Il en voit bien là. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça. Quand les cuivres arrivent, bien pâté, mais... c'est très bon. Tout est dans le mot, hein, immersif. Je pense que le plus saisissant, c'est que si tu fermes les yeux, t'es au parc, quoi. Mmh. Voilà. Bah, c'est juste que les micros d'ambiance permettent de faire comme un calcul en fait de la pièce, quoi. Oui. Si tu mettais des micros dans n'importe quelle pièce, comme ça, tu refais une photo de la pièce avec ça, quoi. Ouais, c'est ça. Leur micro. Donc en fait, c'est qu'on a fait avec l'Atmos permet, quoi. C'est la technologie qui est impressionnante. Au niveau du travail, c'est le même que sur un mix stéréo, finalement. Au lieu de panner de droite à gauche, tu pannes avant, arrière, haut, bas. Mm-hmm. Voilà. L'immersion, elle vient du fait que les choses soient très séparées et que tu sois, que tout arrive de partout, en fait. Il y a ce côté délai, un petit peu, quand t'es dans le stade, celui qui est tout derrière, forcément, il va peut-être entendre un petit délai par rapport à ce qui se passe devant lui, mais là où on a un petit peu pas triché, mais où on s'est servi de l'outil pour le rendre encore plus immersif, c'est par exemple d'avoir mis tout ce qui est des claviers un petit peu aériens, les synthés au plafond. Tout à fait, ouais. Et ce qui te permet d'être encore plus englobé par le son, quoi. Mm-hmm. On n'a pas mis Johnny à l'arrière, quoi. Non. Sauf que les guitares, au lieu d'être au fond à gauche, elles sont vraiment au milieu de la salle à gauche. Voilà. Plus, donc on va dire on a quand même, on va dire que la moitié de la salle c'est la scène, quoi. Voilà, ouais. c'est ce que je disais en gros, voilà, la moitié de la salle c'est pratiquement la scène, ouais. Et le reste après c'est le public qu'on va retrouver, la réverb, les échos, c'est vrai qu'il y a des délais. Et... Ouais, forcément. Bah, les délais de la pièce, ouais. Exactement, les ouais. Les délais du plafond, tout ça. C'est ce qui crée l'espace aussi. Hein. Exactement. Comme dans un concert, effectivement, il y en a qui vont être un petit peu moins bien placés. Ceux qui seront tout au fond, à l'arrière, ouais. Vont manger plus de public, évidemment. Voilà. Et bon, ça, c'est pareil dans un concert, finalement. Exactement. Sauf que les places de derrière sont moins chères. On s'en rend compte. Mais par contre, je dois avouer qu'il y a un truc qui est cool quand même dans cette histoire d'Atmos, que je trouve plus convaincant que sur le 5.1, c'est que même si tu es sur le côté, alors évidemment, même c'est comme au concert, hein, si t'es sur le côté, tu vas entendre évidemment plus ce qu'on a mis sur le côté, mais ça reste quand même immersif, vraiment. Dernier extrait de ce dimanche 20 juin au Parc des Princes en 1993. Happy Birthday, Johnny, bien sûr, mais autrement dit, c'est le titre Le Bon Temps du Rock'n'Roll. Ici, sur RG, dans l'antenne, dans l'émission Johnny de A à Z. On écoute, vous avez en exclusivité. Vous avez eu droit à 9 extraits du Parc des Princes 93 que vous retrouverez dans les bacs à partir du 16 juin. et le bon vieux Johnny Rock and roll. Et pas faire le bon avec ce bon temps du rock'n'roll, il a terminé ses trois soirées avec ce titre. Chaque soir, le dernier titre était différent. Oui. Le premier soir, c'était L'Envie. Le deuxième soir, c'était Rock'n'Roll Man. Et le dernier soir, donc, le bon temps du rock'n'roll pour achever ses trois concerts triomphaux où il fracassait sa guitare sur l'avant-scène. Il s'y est repris plusieurs fois. Ah, oui, il s'était blessé. Je crois que c'était même samedi soir qu'il s'était blessé. On le retrouvait le lendemain voilà. Avec un bandeau. Et après, il lançait dans le public le manche de la guitare. Et tout, voilà, c'était la fin de ces trois soirées merveilleuses. C'est la fin. Et là, maintenant, on va aller attaquer la collection Archive Live. Archive Live, donc, dont la sortie a été un petit peu repoussée pour laisser la place au Parc des Princes. Pour éviter de faire de l'ombre. Voilà, ouais. Et donc, 30 juin, vendredi 30 juin, sortie des deux Archives Live de cette année. Il y en avait eu trois l'année dernière, il y en a deux cette année. Toulouse 65 et puis Lyon 73. Mm-hmm. Et bien avec là... des titres qu'on n'a jamais eu en live. Tout à fait. Chacun de ces... Et là encore, tes auditeurs vont avoir beaucoup de chance d'entendre en avant-première quelques titres de ces deux concerts. Il va y avoir quatre extraits. Vous allez écouter quatre extraits donc de Toulouse, enregistrés par Europe 1 le 12 octobre 1965. Et après, donc, on aura aussi le concert de Lyon qui a été enregistré par Europe 1. Puis même Johnny chantait en direct à Lyon le 14 avril 1973. Et pour cela, donc, on va retrouver Xavier Perrault qui va nous parler maintenant de cette collection Johnny Archive Live, la continuité. Cette émission Johnny de A à Z avec cette belle collection Johnny Archive Live. Donc après Grenoble 68, Fréjus 66 et le Johnny Circuit 72 l'an dernier. Hein, pour le 30 juin 2023, sortiront les concerts de Toulouse 65 et de Lyon Palais d'Hiver 73. Exact. Donc on continue dans cette collection avec toujours la même approche, c'est-à-dire d'essayer de reconstituer au plus près la réalisation du concert. Donc on part toujours d'archives radio. Là en l'occurrence, ce sont deux archives Europe 1. La première, Toulouse 65, est un peu particulière dans le sens où c'est à l'époque, Europe 1 faisait une sorte de fête anniversaire, entre guillemets, des Musicoramas. Et donc, il y avait simultanément sur Europe 1 plusieurs Musicoramas qui avaient été diffusés autour de cet anniversaire, dont ce fameux concert de Johnny à Toulouse, qui réserve, comme toujours, un petit peu des petites surprises, des choses qu'on n'a pas l'occasion d'entendre souvent en live. Il y a plusieurs chansons qui sont extraites de Toulouse 65, qui sont des choses assez rares, qu'on a rarement l'occasion de retrouver dans des tours de chant de Johnny. La reprise de la Motown Money. Il y a également Ça fait mal, Mais je reviens, qui sont des chansons de l'époque qui vont pas rester très longtemps dans le tour de chant de Johnny. Et puis il y a surtout, ce qui est génial, c'est cette énergie, la voix, la puissance. Donc l'intérêt de ce concert aussi, c'est que bien évidemment on est en 65, donc Johnny revient du service militaire, il a laissé Joey et les Showmen en 64, et il n'est pas encore avec la formation qui sera en 66 avec les Blackbirds, avec Mickey Jones et Tommy Brown notamment. Donc c'est une formation transitoire, et on voit bien que c'est aussi un moment donné où il reprend ses tournées, il retrouve les studios, et il doit reprendre un petit peu la place qu'il a laissée quand il est parti au service militaire. Et donc pour lui, c'est à la fois une période de transition, mais aussi une période extrêmement importante où il doit reconquérir, j'ai envie de dire, sa place, son leadership parmi les artistes de la scène française de l'époque. Et surtout aussi l'invasion anglaise, à ce moment-là aussi. Exactement. Donc en fait, c'est vrai qu'en 65, une page s'est tournée et que les Beatles et les Stones dominent à ce moment-là la scène internationale. Et c'est à Londres que se trouve l'épicentre artistique de la pop rock de l'époque, et Johnny va très rapidement comprendre ça. Mais là, on est encore dans une phase de transition où il revient du service militaire, donc il est accompagné d'une formation qui va être une formation qui va pas rester très longtemps avec lui, et dont l'enregistrement de Toulouse 65 est une des archives sonores qu'on pourra garder de cette époque, qui est vraiment une période de transition pour Johnny. Après, bien évidemment, on est dans des captations, comme toujours, avec le Johnny Archive Live, des captations qui sont parfois rudimentaires, qui sont des captations radio de l'époque, qui ne bénéficient pas de la même qualité de captation, de mise en place, de prise de son, qu'on le fait quand c'est une maison de disques qui le fait. C'est beaucoup plus rudimentaire. On a essayé, comme toujours, de restaurer au mieux cette prise de son. Après, il n'y a pas de miracle, on peut pas transformer... On peut pas faire de miracle, quoi. Ouais. Voilà. Mais en tous les cas, on essaie en même temps, en parallèle de la captation, de fournir des éléments avec un livret, avec des notes, avec des informations vraiment très précises sur la période, pour pouvoir reconstituer au mieux le concert et tout ce qui se fait autour de cette tournée, autour de cette période. Voilà. Et puis, bien évidemment, avec l'édition vinyle des Johnny Archive Live, il y a un petit poster 40-60 qui accompagne cette édition vinyle. Et donc là, on est sur un double vinyle en plus. Alors là, on est sur un double vinyle. C'est aussi la chance qu'on a sur ces deux versions, sur ces deux concerts, que ça soit Toulouse 65 et Lyon 73, dont on parlera après. C'est que ce sont des captations assez complètes et qui ne sont pas, bien évidemment, là aussi, entrecoupées de prises de parole du journaliste qui commentait le concert à l'époque pour Europe 1. Donc c'est le concert sans coupure de jingle, d'intervention du commentateur. Aujourd'hui, tout est fini. Il faut que je l'oublie. Un ami, ça n'a pas de prix. Quand on a des ennuis, où est-elle quand on a des ennuis? Aujourd'hui, tout est fini. Je l'oublie, il faut que je l'oublie. Mon amour s'en est allé, mais les amis sont restés. Oui, pour m'aider à l'oublier, je sais. Un ami, ça n'a pas de prix, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Écoutez-le quand il vous dit. De perdre du temps vite pour le bonheur. des ennuis. Où est-elle quand on a des ennuis? Yeah. C'est mon meilleur ami, mais non, je ne peux croire ça. Ça me ferait trop mal, elle ne ferait pas ça. Ça me ferait trop mal, elle ne dirait pas ça. Pas ça, mon amour, mon amour, mon amour. Oui, je suis fou, où la vie me joue un tour, mais pourquoi me faire ça? Je veux si peu, je demandais qu'elle m'aime un peu, mais c'était beaucoup. Leurs lèvres qui se cherchent, ça me ferait trop mal. Je vais aider. Ça, c'est un petit intermède que vous aurez quand vous aurez ce concert entre les mains. Oui, il fait chaud, il fait très chaud. Même dans le studio aussi, on confirme. Donc, vous avez pu écouter deux premiers extraits justement de ce concert de. C'est toi qui as tout. T'as ma petite feuille. De Toulouse 65. Sorti donc le. Mais j'ai même plus la date. Sorti. En octobre. Le 12 octobre 1965. J'ai fait un animateur à ta place. Tu as tous mes papiers, je t'ai tout filé. C'est pour ça. On va écouter un peu le travail qu'a pu faire le studio Stonehouse sur cette collection Archive Live. Donc, je leur ai demandé, est-ce que c'est essentiellement de la restauration que vous effectuez? Ouais, c'est de la restauration. C'est assez minutieux, quoi. Mmh. On n'en ferait pas tous les jours. Il y a peut-être un nettoyage à faire. Ouais, c'est ça. On sépare le son en plusieurs couches. Maintenant, il y a des logiciels qui permettent de séparer la couche de voix, la couche de basse. Mmh. Qui arrive à, tu sais, re-séparer, en fait. Oui, tout à fait, ouais. On détache toutes les pistes. Voilà, et avec la batterie, on retrigue les coups. Oui. Avec des sons de batterie. Des sons de batterie de l'époque aussi. Et donc, ça, c'est très long. Chaque coup de caisse claire, chaque coup de grosse caisse, c'est retrigué. C'est à la main, c'est à seconde par seconde. Sans pour autant avoir un résultat exceptionnel, hein, tu vois, mais bon, mais

Nous étions à l'instant en archive live à Toulouse le 12 octobre 1965. Et la particularité donc de ce concert de Toulouse, c'est qu'il y a des titres que nous écoutons pour la première fois, oui, en quelque sorte. C'est un peu la particularité de cette collection archive. Qui est superbe. De ces concerts, des collections formidables. Et sur ce Toulouse 65, il y a une Madeleine de Proust. Ça fait mal. C'est une version. C'est la seule version live de ce titre. Mmh. Chantée par Elvis aussi. C'est magnifique. Enfin, ça vaut rien que pour ça, il faut acheter le disque. Et nous avons aussi le titre Mais je reviens aussi, qui est inédit. Les autres, après, on peut les écouter sur le Musicorama de l'Olympia. Oui, mais là, en plus, il est avec son orchestre, avec ses musiciens anglais. Il y a quelques fidèles qui sont encore là. Il y a Jean Tozan, Raymond Donnez qui sont toujours là. Mais voilà, c'est ce son un peu nouveau de pop anglaise et tout. On sait que c'est une période un peu transitoire, un peu difficile pour lui. Il va rebondir après de façon magistrale. Mais quand tu écoutes ça, tu te dis d'abord qu'il chante vraiment super bien et que c'était une très très bonne chanson et que c'est vraiment un plaisir de redécouvrir ces titres en live avec cette collection archive. Et ça fait mal. Je trouve que c'est une réussite, une très belle réussite. Je suis d'accord. C'est une chanson, mais déjà, si on aime déjà la version d'Elvis, on ne peut qu'aimer la version de Johnny Hallyday, qui n'est pas forcément le cas pour tous les titres qu'il a repris d'Elvis, comme du genre Soupçon. Suspicious Man. Suspicious Man, ouais. Qui n'est pas vraiment une réussite. C'est dommage, parce que c'est une formidable chanson. Oui. Dont il aurait pu faire quelque chose sur scène de remarquable, comme Elvis. Est-ce que c'est peut-être le texte, je ne sais pas, ou l'arrangement de l'époque Peut-être l'arrangement, surtout qu'en plus, la bande à l'époque, en 73, ils avaient perdu cette bande-là. Voilà, il y a deux versions de ce titre. Peut-être que Xavier nous les sortira. Qui sait? Qui sait? Vous avez entendu? Qui sait? On ne sait jamais. Ils auront trouvé la bande anglaise, alors, c'est pour ça. Justement, tu vois, en parlant de bande et tout ça, il y a Xavier qui veut faire une petite demande auprès des auditeurs, justement, pour que cette collection Archive Live puisse continuer. Xavier va faire cette demande. Je n'en dis pas plus parce que Xavier se répète plusieurs fois. Hein, mais c'est pour une bonne raison et c'est pour une bonne cause. Eric, de ton émission, en fait, pour lancer un appel à ceux ou celles qui auraient des bandes. Donc, Johnny Archive Live, le principe, c'est qu'on part de captations faites par des radios, que ce soit RTL, Europe 1 et autres, Radio France, France Inter. Et pour qu'on puisse arriver à faire un travail intéressant, donc il faut qu'on retrouve les archives de ces captations. Bien souvent, hélas, que ce soit RTL, Europe 1, même France Inter, les archives sont pas toujours, ils n'ont plus les bandes qui ont servi, qui ont été utilisées pour la captation de ces concerts. Et donc, sans ces bandes-là, on ne peut pas faire un travail de restauration intéressant, on va dire le plus efficace possible. Donc je profite de l'émission de Johnny A à Z pour lancer un appel à ceux ou celles qui auraient des bandes. Je dis bien des bandes, je ne cherche pas des transferts sur CD ou sur clé USB, qui seraient détenteurs de bandes, que ça serait intéressant s'ils pouvaient rentrer en contact avec toi. Parce que aujourd'hui, hélas, les archives qui sont présentes dans les radios que j'ai citées, RTL, Europe 1, Radio France, etc., sont manquantes. Et si vous avez des bandes, n'hésitez pas à prendre contact avec Eric, qui vous montrera en contact après avec moi. L'idée étant qu'on puisse repartir d'une source la meilleure possible pour pouvoir éventuellement, si la qualité technique est quand même suffisante, ensuite publier cet enregistrement et le restituer au public de la meilleure des façons possibles, c'est-à-dire en ayant vraiment fait un travail d'ingé son dessus pour tirer le meilleur des captations qui sont souvent assez rudimentaires, on le sait, mais en même temps, voilà, on aura fait le travail au maximum. Donc si vous avez des bandes, ça peut être le cas, certains collectionneurs en ont acheté quand on leur en proposait. Si vous avez des bandes, n'hésitez pas à faire, à prendre contact avec Eric et ensuite Eric vous mettra en contact avec moi. Voilà, d'accord. J'accepte la tâche. Eric. Merci Eric, merci de ton aide et merci à tous ceux qui seront qui répondront à cet appel, parce qu'il y a hélas plein de concerts qui sont aujourd'hui, moi ça fait maintenant ça fait 2 ans que je travaille sur ces archives, donc je suis en contact avec Europe 1, RTL, on a déjà fait pas mal de recherches et hélas, il leur manque beaucoup, beaucoup. Enfin, il leur manque la plupart des enregistrements qu'ils ont réalisés, parce que les archives ont déménagé, parce qu'à un moment donné, hélas, les gens ont pris ces archives et les ont sortis des archives de la radio, pas pour en faire un commerce, hein, pour pouvoir les copier et les passer en radio. Moi, je cherche simplement à pouvoir retrouver des bandes qui me permettent, à partir de ça, de pouvoir restaurer de la meilleure façon possible le concert et de proposer aux gens une captation, un enregistrement de la meilleure qualité possible. Voilà, l'appel est lancé, donc je n'hésiterai pas à le relancer de temps à autre dans l'émission Johnny de A à Z. Donc c'est très simple, hein, il suffit soit on pose un petit message en message privé à mon nom, Eric Gallo, hein, et ou sinon après vous pouvez toujours envoyer aussi un petit message par mail sur l'adresse suivante johnnyaz.rigfm@gmail.com. Je répète, johnnyaz.rigfm@gmail.com. C'est une annonce qu'on divulguera fréquemment dans l'émission et puis notamment qu'on retrouvera sur le Facebook. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et donc tout ça, c'est pour le bien de tous et continuer cette belle collection Johnny Archive Live. Justement, on quitte à présent Toulouse, 1965, pour aller direction Lyon, au Palais d'Hiver de Lyon, le 14 avril 1973, avec une ambiance électrique, tendue. Un concert qui a fait beaucoup de bruit. Oui, aussi, oui. Et qui a suscité pas mal de papiers dans la presse. Notamment, je me souviens du Journal du Dimanche, pas un journal lyonnais, hein, Journal du Dimanche qui avait fait une double page en disant le saccage du Palais d'Hiver à Lyon. Enfin, bon, Johnny, on continue à casser des sièges avec Johnny Hallyday. C'est ça, c'est ça. On va écouter un premier morceau qui est comme un corbeau blanc, hein, que Xavier Perrault a bien voulu vous diffuser à vous, car je répète toujours, hein, c'est une exclusivité. Tu sais que c'est un de mes titres préférés. Hein. Je sais que c'est ton titre un de tes titres préférés, on va pas dire le, mais un de tes titres préférés, justement. Et on aura l'inverse un peu plus tard, donc, au cours de cette soirée, le titre qui terminera cette émission, ce sera la musique que j'aime, bien entendu. C'est la première version live. On a des superbes versions, comme Tu peux partir si tu le veux, qui dure plus de 9 minutes. Ah, ouais. Grand moment. Et unique, bien sûr. C'est la seule captation qu'on a de ce titre-là, à part la version télévisée que nous avons eue. C'était dans un cas des Roussel. Un truc de Guilux, oui. Et vous allez écouter un peu le mix aussi qui a été proposé par nos amis de chez Townhouse. Ça tourne et ça sonne vraiment bien. Ah oui, on y va tout de suite. Alors, on écoute tout de suite. Johnny Hallyday à Lyon, le 14 avril 1973. En exclusivité pour vous sur l'antenne de RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. No cette fille-là, j'ai eu le meilleur, son corps et son cœur. J'ai son âme, j'ai son corps et son cœur. Elle dit les mots qu'il faut avec son corps. J'ai son âme, j'ai son corps et son cœur. Quelques doutes, sa porte désormais fermée. J'ai tué le meilleur, son corps et son cœur. J'ai son âme, j'ai son corps et son cœur. Elle dit les mots qu'il faut avec son corps. J'ai son âme, j'ai son corps et son cœur. J'ai son âme, j'ai son corps et son cœur. J'ai son âme, j'ai son corps et son cœur. Qui a lieu le 14 avril 1973 à Lyon. C'est la première captation live qu'on connaisse où il présente des chansons de son album Insolitude qui sortira juste après. Et donc, on a bien évidemment La musique que j'aime, dont c'est la première, le premier enregistrement live. On a également Comme un corbeau blanc. C'est assez marrant de retrouver ces deux chansons dans le même tour de chant. Et puis, bien sûr, Tu peux partir si tu le veux également, et qui est une chanson qu'on retrouvera quasiment jamais après dans les tours de chant de Johnny. La qualité est là aussi. Alors, autre chose intéressante, c'est qu'il y a un assez long solo de batterie de Tommy Brown sur Tu peux partir si tu le veux. Et on va dire, là aussi encore, il y a une formation qui l'accompagne. C'est assez péchu, c'est vraiment pas mal du tout. La captation reste une captation radio qui est assez rudimentaire. En plus, il se trouve que le public est assez remuant, monte sur scène. On voit Johnny qui demande à ce que les gens descendent de scène pour qu'ils puissent continuer à chanter. Il essaye à un moment donné de calmer les gens. Et puis, en fait, il se rend compte que les gens sont pas du tout décidés à se calmer. Donc, il finit le concert un petit peu en roue libre. Mais en tous les cas, il y a une belle énergie malgré tout. Et Johnny et ses musiciens tiennent le cap et vont jusqu'au bout de ce live. Et c'est quand même le premier enregistrement live de La musique que j'aime. Mmh. Comme toujours avec Johnny Archive Live, après, vous avez un livret très complet sur la période, ce que Johnny va faire avant. On a réussi à retrouver des photos de ce concert, précisément à Lyon, où on voit le public, effectivement, qui s'amuse à monter sur scène, qui est assez à la fois bon enfant, parce que ça se passe bien, mais c'est vrai que, a priori, d'après les informations qui ont été publiées dans les journaux le lendemain, dans les jours qui suivèrent, en fait, a priori, il y avait, comme souvent, et là, c'est un peu à l'époque, des bandes qui profitaient de ces concerts pour venir un petit peu régler leurs comptes. Et donc, il y avait parfois ça partait un peu en bagarre. Mais Johnny a tenu le cap avec ses musiciens. Ils sont allés au bout. Il a essayé de calmer le jeu à un moment donné pour pouvoir simplement continuer à chanter. Il a réussi à le faire. Et donc, on a l'intégralité là du concert de Lyon 73, y compris donc Je suis né dans la rue, qui ne figurait pas sur ce qui avait pu être publié en bootleg jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant? Ça y est, on vous a parlé de titres. Tu peux partir si tu le veux. On va retrouver la version spéciale 9 minutes que je l'ai proposée en concert à cette période-là avec le solo de batterie de Tommy Brown. Et juste après cela, on retrouvera la musique que j'aime. Et tout ça, merci Universal, merci Xavier Perrault d'avoir proposé ça à vous ce soir, auditeurs, auditrices de l'émission Jolly de la Z. Ce n'est pas la peine de se déchirer, de se partir, de se pardonner, comme à chaque fois, on se fait du mal pour rien, et puis on se recherche sur bien, on se fuit. Tu peux partir si tu le veux, mais je te suivrai, oui je te suivrai. Tu peux partir si tu le veux, mais je te suivrai, oui je te suivrai. Chacun que l'amour était loin, alors qu'il vivait en nous, tu ouvrais au creux de nos mains, oubliez ces visages étrangers, où tu es, j'irai te rechercher. Tu peux partir si tu le veux, mais je te suivrai, oui je te suivrai.

j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Ainsi s'achève le concert de Lyon. C'est pas beau ça. Et après ça se termine en bagarre. C'est la bagarre juste après le concert de Johnny Hallyday. Mais tu sais, à l'époque, il faisait pas beaucoup de concerts, il y avait pas énormément de concerts dans cette période-là. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Vigneux peu de temps après, avec quasiment le même track listing. Ça a été un super concert. Et en fait, c'est le phénix qui renaît après l'année 72 et ce fameux Johnny Circus. Exactement. Dont je recommande à tous la lecture du livre de Sam Bernett, qui est croustillant, plein d'anecdotes. C'est sympa, c'est marrant, c'est bien raconté. Johnny dans tous ses excès, mais qui livrait chaque soir une performance sur scène remarquable. Et voilà, là, il reprend sérieusement du poil de la bête avec Insolitude, avec ses concerts. Et puis après, il y aura J'ai un problème, il y aura Tourner avec Sylvie et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien sûr, mais une fois de plus. Concert de Lyon, voilà, un grand moment, grand concert. 30 juin, la sortie de ces deux archives. Voilà. Toulouse 65 et Lyon 73 pour le 30 juin et le Parc des Princes donc le 16 juin, donc le coffret l'intégrale des concerts le 16 juin et n'oubliez pas Johnny Hallyday au cinéma le 15 juin pour une séance unique dans les salles de cinéma Gaumont, Pathé et on, avec de préférence allez-y dans une salle Dolby Atmos, vivre une expérience unique et immersive. Merci Jean-François, Jean-François Chenu, d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, c'est toujours sympa. Merci encore à Xavier Perrault, puis aussi à Jean-Étienne Lousse avec à Geoffroy Doptin du studio Townhouse pour leur participation à cette émission. Et puis on les retrouvera ultérieurement. Et puis nous aussi, on se retrouvera ultérieurement pour une prochaine émission. On en parlera un peu plus tard. À bientôt toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.